Peu à peu, la maison avait repris un aspect accueillant, car les deux femmes ne s'étaient pas économisées au travail pour mettre de l'ordre. Marcel s'impatientait de rentrer chez lui, mais semblait avoir enfin pris de bonnes résolutions pour l'avenir. Le jour de son retour, ils avaient arrosé ça, tous les trois, et le Colpi s'était fendu d'un petit repas au restaurant du quartier qu'il fréquentait autrefois avec Marie, surtout le vendredi midi, pour son fameux aïoli. Annette s'était révélée très agréable. Sans être très jolie, dès que son visage s'illuminait d'un sourire, elle devenait belle. Belle, comme une femme soudain heureuse, mais encore en train de patauger dans les difficultés d'un veuvage prématuré et d'une pré-retraite imposée. Retrouvant ses vieux réflexes de séducteur, le Colpi lui avait susurré sans arrière-pensée. « Vous devriez rire plus souvent, Annette. Le bonheur vous va bien. » Ils avaient beaucoup ri de sa déclaration, aussi audacieuse qu'inattendue. Elle avait pris cela pour un joli compliment, et la journée s'était révélée radieuse pour le trio en goguette. Le Colpi avait apprécié de revenir dans ses meubles à nouveau cirés, dans une salle de bain accueillante, et songeait déjà à utiliser Annette, si elle était d'accord, pour faire le ménage, une fois ou deux par semaine. Il s'était rapidement entendu, par l'intermédiaire d'Amélie, que Marcel avait réussi à convaincre, et l'ami d'enfance venait régulièrement, le lundi, le mercredi et le vendredi, pour remplir le frigo, faire la poussière, la lessive, assurant de bon cœur toutes les tâches afférentes à un appartement.